Chapitre 22e. Une épidémie qui avait éclaté aux Visitandines forçait les religieuses à renvoyer dans leur famille celles de leurs pensionnaires qui n'habitaient pas trop loin de Paris. Une sœur converse avait ramené la jeune fille au foyer paternel. Lucile, en quittant le couvent, ne savait si elle devait se réjouir d'aller rejoindre sa mère ou s'affliger de quitter ses amis, mais elle ne fut pas longtemps à prendre un parti. Sa mère, qui ne fut malade qu'un jour ou deux, devint l'objet de son idolâtrie. Hélas, Gabrielle avait su se faire aimer de tous, hormis des Morez. D'ailleurs, ceux-là n'aimaient guère qu'eux-mêmes. Avec quelle admiration attendrie Lucile contemplait sa mère belle et gracieuse à ravir, si noble et si digne, qui lui témoignait tant de bonté et de tendresse. De nos jours, on ne peut se faire une idée de ce qu'était alors l'éducation claustrale. Les jeunes filles ne savaient rien du dehors, pas un livre, peu de jouets pour les plus jeunes, d'interminables ouvrages d'aiguilles pour les aînés, point de ressources intellectuelles, et la société de femmes, plus instruites que leurs élèves, il est vrai, mais relativement à nos exigences modernes, d'une ignorance déplorable. Dans ce milieu fade et guindé, Lucile avait gardé ses instincts, ceux qu'elle tenait de sa mère. Son naturel franc et résolu l'avait sauvée de la mièvrerie de l'époque, mais de plus que sa mère, comme son père peut-être, elle savait également aimer et haïr. Du premier coup, elle adora donc sa mère. En se voyant en face de sa fille, Gabrielle pensa un instant à se donner la mort. Elle voyait dans l'heure de l'arrivée de Lucile une sorte de dérision de la destinée. Quelques heures plus tôt, et la venue de cet enfant l'eût certainement préservée de la chute. Il fallait que le sort la lui amenait précisément quand la faute irréparable était accomplie afin de lui jeter constamment ce remords à la face. C'était une raillerie trop amère, et la marquise pensa sincèrement qu'elle avait assez de la vie. Puis elle réfléchit. « Hélas, se dit-elle, si j'étais si malheureuse, c'est que je n'avais pas de mère. Une mère m'eût prévenue que l'amour d'un époux n'est qu'un rêve, et qu'il ne faut pas s'attendre à le rencontrer. Une mère m'eût appris à me défendre de moi-même, m'eût mise en garde contre les funestes insinuations de la passion coupable. Il ne faut pas que Lucile soit, par ma faute, exposée au même péril que moi. » Ce sera mon châtiment. Je vivrai déshonoré, dévoré de remords, pour expier mon crime, et les caresses de cet enfant, comme l'estime de son frère, seront la véritable punition de mes erreurs. » Pleine de ces pensées, Gabrielle alla retrouver Julien, qui l'attendait chaque jour dans leur refuge, le cœur gros de chagrin et de crainte. Elle voulut se reprendre. Elle lui parla de ses enfants, de ses devoirs, de ses remords. « Que m'importe ? » s'écria le jeune homme avec ardeur. Que m'importe le devoir et le remords? Je sais que tu es à moi, que je t'adore, que tu m'aimes, que ton époux t'a abandonné, que devant Dieu tu es libre, et que je ne prends le bien de personne. Tu es à moi, et je ne te laisserai pas te reprendre à moi, non, quand je devrais venir me tuer à tes yeux dans la cour de ta maison. Que faire? Partagé entre son devoir et son amour, bourrelé de remords, éperdu de crainte. Gabrielle se laissa encore entraîner, et sortit de là plus liée que jamais à celui qu'elle aimait de toute son âme désespérée. Ne pouvant assurer son repos, la marquise s'arrêta à un moyen terme. « Je consacrerai ma vie, sauf les heures qui appartiennent à Julien, à préserver mes enfants des pièges où je suis tombé. Et si ma conduite est coupable, au moins mon enseignement sera-t-il irréprochable ?» Alors commença au château de Morez une existence en partie double, qui paraîtra impossible, et qui cependant existe dans plus d'une demeure paisible qu'on croit honnête et régulière. Gabrielle donnait quelques heures dans la semaine aux entrevues de la petite cabane, et là, elle répandait sur Julien toute la tendresse de son cœur. Elle aimait ce jeune homme à la fois comme une amante et comme une mère. Il était si bon, si dévoué, si noble. Comment ne pas l'aimer de toute son âme? Mais rentrée au château, l'amante faisait place à la mère. Elle bannissait de son foyer l'image profane de l'amant aimé, et chose étrange, quand il venait chez elle, dans les fêtes que par prudence elle continuait à donner, elle se sentait calme en sa présence. Elle oubliait presque le lien adultère qui les unissait, pour ne plus voir en lui qu'un ami, un jeune et charmant ami, pour lequel elle éprouvait une honnête et franche sympathie. C'est entre ses voisins et sa fille, sous l'impression de pureté et d'honneur que la présence de cet enfant mettait sur elle, que la marquise écrivait à son fils ses lettres admirables, où le jeune homme puisait la sagesse qui étonnait son grand-père. Et cette femme coupable, trouvait des accents d'une éloquence incomparable pour décrire les charmes de la vertu et les horreurs du vice. Hypocrisie, dira-t-on ? Non. Gabrielle vivait de deux vies distinctes. Elle ne se payait pas de sophisme, elle regardait sa faute en face, et se sentant incapable de s'y soustraire, elle portait comme une croix bien lourde l'estime des autres, et son propre amour pour la vertu, pour son honneur perdu, qui la brûlait comme la robe de Nessus. Cette vie dura 3 ans. Pendant ces 3 années, René revint au château et se lia d'amitié avec Julien. Cette amitié, qui fit d'abord horreur à la marquise, lui parut ensuite plus naturelle. Ces deux jeunes gens n'étaient-ils pas pleins tous les deux des plus nobles sentiments ? Julien se montrait affectueux envers René comme un frère aîné envers son frère plus jeune. Il le conseillait, le guidait, et dans maintes circonstances où la marquise ne pouvait ou ne devait pas se montrer instruite, il donna au jeune homme les meilleurs et les plus utiles conseils. Robert avait complètement oublié ses anciens soupçons. Dépisté par l'habileté de sa femme, il avait repris sa sécurité en voyant le calme avec lequel la marquise accueillait Julien lors de ses visites au château. Rien ne parlait de passion dans cette manière paisible et souriante de recevoir son jeune hôte. Robert admit qu'il pouvait s'être trompé, et ne parla plus de surveiller la marquise. D'ailleurs, depuis quelque temps, les braconniers lui donnaient du souci, et certaines coupes non autorisées dans les bois de Morez lui faisaient faire de longues absences sans qu'il pût découvrir les voleurs. Chapitre 23e. Vos enfants grandiront autour de vous comme un plant de jeunes oliviers, avait dit l'évêque en consacrant le mariage de Gabrielle. La marquise se rappelait ces paroles un soir d'hiver en contemplant le doux visage de Lucille, éclairé par les bougies d'un grand candélabre placé au-dessus de sa tête. Lucille avait 17 ans et demi, elle était grande et svelte comme sa mère, mais les traits de son visage étaient ceux des Morez. Ses cheveux noirs, affranchis de la contrainte de la poudre, ses yeux noirs, qui faisaient un si heureux contraste avec la blancheur éclatante de son teint, révélaient son origine mieux que toutes les actes authentiques. Cette enveloppe mortelle, qui indiquait une certaine fermeté de caractère, recelait une âme d'enfant, pleine d'étonnement candide, de gaieté folle, de tendresse parfois bruyante, plus souvent muette et par-dessus tout d'un dévouement sans bornes, d'une élévation presque surhumaine. À sa sortie du couvent, Lucille n'était qu'une petite fille malgré ses années. La puérilité de ses études et de ses amusements avait retardé son développement intellectuel. Tout à coup, en quelques mois, l'enfant avait fait place à la jeune fille. Était-ce l'admiration, la tendresse que Lucille avait soudain ressentie pour sa mère qui avait opéré cette métamorphose ? Était-ce le spectacle de la nature, le bonheur d'une vie libre au grand air et au soleil ? Était-ce enfin l'influence des années, jointe à celle de l'hérédité ? Peu importait la cause, mais le prodige était accompli. Telles les branches en apparence desséchées qui se couvrent de feuilles et de fleurs pour avoir passé la nuit dans un verre d'eau. Sans le remords de la faute qui torturait sa pauvre âme, la marquise eut joui d'un bonheur sans égal. En Julien, elle avait trouvé plus que la femme la plus exigeante eût pu rêver. C'était un ami de toutes les heures, car absente, il ne songeait qu'à elle, et présente, il ne vivait que de ce qui lui était cher. En lui, Gabrielle trouvait un confident sûr, un conseil noble et prudent. Ces deux êtres, que le devoir seul séparait, étaient admirablement faits l'un pour l'autre. Dans ce siècle de frivolité coupable, leur faute, amèrement pleurée par Gabrielle, et conséquemment aussi douloureuse pour Julien, mettait en eux de nobles pensées et de vertueux repentirs. Bien des fois, prosterné aux pieds de Gabrielle, Julien lui demandait humblement pardon de l'avoir entraîné. Il la supplie avec larmes de ne pas lui en vouloir, d'excuser sa jeunesse et son emportement qu'avait perdu la pauvre femme. « Eh bien, disait celle-ci, cessons d'être amants, restons amis. »« Impossible !» criait Julien en la serrant follement dans ses bras. « Impossible ! Je mourrai à tes côtés, consumé par une flamme inextinguible !» Et Gabrielle cédait en pleurant, et ses larmes mettaient le désespoir au cœur de Julien. Ses luttes et ses souffrances avaient mis sur eux quelque chose de plus élevé que sur les fronts ordinaires. Si les fanges mortelles de la passion les retenaient à la terre, leurs âmes n'en planaient que plus haut, aux heures d'apaisement. Gabrielle regardait avec une sorte de pitié maternelle ce jeune homme qui la faisait tant souffrir, pour lequel elle passait des nuits entières à genoux devant le crucifix, et lui, voyant la mélancolie régner sans cesse sur le doux visage de celle qu'il aimait, adorait humblement cette femme à laquelle son amour avait apporté le remords. Entre ces deux êtres, torturés par la souffrance intérieure, Lucile, qui ne se doutait de rien, grandissait et devenait pensive. Sa mère lui enseignait de bonne heure la triste science de la vie, et ses leçons n'étaient pas faites pour la rendre plus légère. « Est-il vrai, ma mère, dit un soir Lucile, que l'amitié des hommes soit dangereuse pour les femmes ?» La marquise, qui brodait une tapisserie, releva soudain la tête et pâlit. « Qui t'a dit cela ? » fit-elle inquiète. « Vous-même, ma mère, il y a quelque temps déjà ?» C'était vrai. Mais alors la marquise ne pensait pas à Julien, et tout à coup l'image du jeune homme venait de surgir devant elle. « J'ai dit la vérité, répondit la pauvre femme en s'appliquant à sa tapisserie. « L'amitié des hommes est dangereuse. « Pourquoi ? » fit la jeune fille avec curiosité. « Parce qu'elle mène à l'amour, et l'amour est cruel pour les femmes, à moins qu'elles n'aient le bonheur d'être aimées de leur mari. » Lucile resta songeuse. Elle retournait une grande question dans sa tête. Enfin, elle se hasarda à parler. « Mais, ma mère, dit-elle, sans doute mon père vous aime. » Encore cette question. Depuis qu'elle était coupable, la marquise défendait son mari de toute accusation avec plus d'énergie que jamais. C'était une sorte d'amende honorable qu'elle lui faisait ainsi. « Votre père remplit tous ses devoirs, » répondit Gabriel. « Alors, ma mère, pourquoi n'est-il pas ici ? D'autres devoirs le retiennent ailleurs. Mais il vous a toujours aimé, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Gabriel à voix basse. « Alors vous êtes complètement heureuse. » Gabriel regarda sa fille. Le visage de Lucile exprimait la plus parfaite innocence, la sécurité absolue. Cet enfant questionnait pour s'instruire. « Oui, » dit encore la mère, « je suis heureuse parce que j'ai de bons enfants qui m'aiment. Mais si mon père était ici, vous seriez encore plus heureuse. » La marquise se sentit glacée. Elle n'avait plus pensé depuis bien longtemps que son mari pourrait revenir. Et s'il revenait, en effet, que deviendrait-elle ? Elle n'osait répondre. Mais Lucile, impitoyable comme une enfant, réitéra sa question. « Sans doute, » répondit Gabriel avec effort. « Que je voudrais voir mon père, » dit-elle toute rêveuse, « que je l'aimerais quand il viendra. Il est beau, n'est-ce pas, ma mère ?» Gabriel fit un signe affirmatif. « Grande taille, oui. De noble prestance. C'est un beau cavalier, » dit faiblement la marquise. « Que vous avez dû faire un joli couple quand on vous a marié, » fit Lucile en frappant joyeusement dans ses mains. « Ce fut une belle noce, n'est-ce pas ?» Gabriel répondit quelques mots, puis sortit. Continuer cet entretien lui était impossible. Elle rentra chez elle et se laissa tomber à genoux. « Mon Dieu, » dit-elle, « cessez de m'accabler, cette vie est pire que l'enfer. » Le lendemain, elle vit Julien et dès le premier abord, celui-ci s'aperçut que la marquise était en proie à une vive émotion. « Écoute, » lui dit-elle, « tu vas me faire un serment, sinon je ne te reverrai jamais. » Il se peut que le marquis revienne, car il n'est pas probable qu'il n'éprouve jamais le désir de voir ses enfants. Jure-moi sur l'âme de ta mère qu'à partir du jour de son arrivée ici, tu ne réclameras plus rien de moi. De ce jour, nous serons étrangers l'un à l'autre. Je ne peux pas mentir devant mon mari. Non, je ne le peux pas. » Julien eut beau protester, la marquise fut inébranlable. Au refus de Julien, elle opposerait son propre exil dans un couvent avec sa fille. Que fallait-il faire ? Le retour du marquis était problématique, et en tout cas éloigné. Julien jura, et la marquise le remercia de son serment avec une effusion passionnée qui le toucha profondément. Quelle incurable blessure devait être celle de cette âme qui semblait chercher le sacrifice comme une expiation. À quelques jours de là, Lucile, qui n'avait cessé de poursuivre son travail mental, revint sur la conversation précédente. Sa mère craignait déjà de voir se renouveler la même douleur, mais une autre angoisse remplaça celle-là. « Ma mère, » dit Lucile, « ce n'est pas l'amitié de tous les hommes qui est dangereuse, n'est-ce pas ?»« Non, sans doute, » répondit Gabrielle, indécise. « Il y a des vieillards fort respectables dont l'amitié n'est point à craindre et dont la sagesse est bonne à écouter. »« Oh !» s'écria Lucile. « Il y a des jeunes gens aussi sages que des vieillards, et je suis bien sûr que l'amitié de monsieur de Présange ne peut être dangereuse pour personne. » Gabrielle, consternée, regarda sa fille. Le joli visage de Lucile, couvert de rougeur, ne se détournait cependant pas du sien. La pauvre mère prit sur le champ une résolution audacieuse, inspirée par une crainte pire que la mort. « Mon enfant, » dit-elle, « Monsieur le Président, j'ai sage parce qu'un grand chagrin l'a frappé. »« Un chagrin ?» fit Lucile. Une pitié, une tendresse angélique donnait à sa voix un timbre d'une douceur sans égale. Un grand chagrin auquel, en ce moment du moins, il n'est point de remède. Lucile levait sur sa mère ses yeux étonnés et naïfs. La marquise vit qu'il fallait continuer. « Monsieur le Président, j'aime une femme qu'il ne peut épouser. Il l'aime pour la vie. Il n'en aimera point d'autre. Vous êtes trop jeune, ma fille, pour comprendre la douleur qu'il éprouve à se voir séparé d'elle. »« Mais elle, cette dame, elle l'aime ?» fit Lucile. La marquise ne savait que répondre. Sa fille continua. « Il faut bien qu'elle l'aime, sans quoi il ne pourrait l'aimer ainsi à jamais. » « Elle l'aime, » dit Gabriel, qui sentait le cœur lui manquer. « Alors qu'est-ce qui peut l'empêcher de l'épouser ?» fit innocemment la jeune fille. « Elle est mariée, » fit sourdement Gabriel. Lucile joignit les mains et les laissa retomber. « Qu'ils doivent être malheureux, pauvre monsieur de Présange. Il me semblait à moi qu'il devait être heureux en tout ce qu'il faisait. Qu'est-ce qui aurait le cœur de lui faire de la peine ? Comme on se trompe, pourtant. » Lucile se tut. Et sa mère ne tenta point de relever la conversation. Depuis ce moment, la jeune fille témoigna à Julien une amitié plus tendre et en même temps plus libre. On eût dit qu'elle se sentait dégagée de toute crainte à son égard, et cependant, une teinte de mélancolie se posa sur son front pur, sur ses yeux noirs qui prirent une expression plus profonde et plus sérieuse. Lucile venait de souffrir, sans s'en apercevoir elle-même, et cette souffrance avait achevé de la dégager des limbes de l'enfant. Elle eût pu aimer Julien sans la sage précaution de sa mère, et si elle ne l'aima point, ce fut par fierté féminine d'un cœur qui ne veut pas convoiter le bien d'autrui. Chapitre 24e. Le temps passait d'une aile légère sur la maison de Morez. Partagée entre Julien et ses enfants, la marquise trouvait les journées trop courtes pour l'éducation de sa fille, et les nuits passaient trop vite dans les pleurs que lui causait le remords. Toinon, sa seule confidente, contemplait, le cœur gros de compassion, ce spectacle toujours renouvelé de la lutte entre la passion et la vertu, et nul n'oserait dire que, secrètement, elle n'eût point désiré la mort du marquis. Un jour que M. Robert, son époux et maître, lui racontait pour la millième fois, peut-être, par quelle vertu le marquis avait illustré son enfance, déjà fort lointaine alors, Toinon l'interrompit brusquement, chose qui ne lui était jamais arrivée. « C'est bon, tout cela, » dit-elle d'un ton bourru, « mais quand on est si parfait, on devrait bien tâcher de garder quelques perfections pour l'âge où l'on en a le plus besoin, savoir l'âge où l'on prend en femme et famille. » Robert, offusqué, le prit de haut. « Qu'est-ce à dire ? » proféra-t-il. « Te permettras-tu de juger le marquis de Morez ?»« Le juger ? Grand Dieu, non ! Mais dis-moi un peu, Robert, si tous les gens mariés de notre espèce vivaient comme Monseigneur vit avec madame, crois-tu que les familles seraient très unies ? » « Les gens du commun n'ont que faire de vivre comme les grands seigneurs, » dit Robert d'un ton de pédagogue. « Les petites gens vivent comme ils doivent et la noblesse vit comme elle veut. » La conversation s'arrêta là, car Toinon se garda bien de répliquer. Elle se contenta de penser que son mari, tout homme d'esprit qu'il était, se montrait parfois bien peu intelligent. Madame Robert ne cherchait point de si bonnes raisons pour louer la marquise. Elle l'aimait, et cela suffisait à son cœur simple et généreux. Depuis le jour de sa faute où la marquise, en perdant connaissance, avait révélé à Toinon son douloureux secret, la fidèle servante n'avait pensé qu'à dérober à tous le bonheur si cruellement châtié de sa pauvre maîtresse, comme elle la nommait. C'était elle qui préparait les rendez-vous, qui accompagnait Gabriel jusqu'à la fatale cabane du jardinier, elle encore qui veillait au dehors avec une infatigable vigilance. Par une indifférence bien jouée, par quelques marques d'humeur données à propos quand elle parlait de la marquise avec Robert, elle avait endormi les soupçons de celui-ci. La pauvre femme avait appris que rien d'humain ne battait plus dans la poitrine de son époux quand il s'agissait de Morez. Aussi, loin de protester de son attachement personnel à Gabriel, elle se plaignit à plus d'une reprise des vapeurs de madame et même de son injustice, et par ses calomnies innocentes, elle persuada à Robert qu'elle était loin de voir sa maîtresse avec des yeux prévenus. Mais une fois, à sa grande surprise, elle s'aperçut qu'elle avait trop bien joué la comédie, car Robert la reprit sévèrement de ses jugements téméraires. « Madame est notre maîtresse, » dit-il d'un ton bourru, « et à tes yeux elle ne doit jamais avoir de tort. »« Mais toi-même, » fit Toinon stupéfaite, « tu ne m'as pas 20 fois recommandé de te rendre un compte fidèle des actions de madame, Et ne m'as-tu pas dit que tu n'avais point souci de connaître ce qu'elle faisait de bien ?»« Ce ne sont pas là ses actions que j'ai besoin de connaître, » grommela Robert. « Qu'elle te tense ou te loue, cela ne touche point à l'honneur de Morez. Et s'il a des caprices ou des fantaisies, tant qu'elle les passera en te faisant de la misère, je n'y trouverai point à redire. »« Oui, pense à toi, non. Ce n'est point ce gibier-là que tu chasses, ces vieux sans cœur. Mais ce n'est pas moi qui te vendrai ce que tu cherches. » Cependant, par habitude de toute une vie et aussi par principe, Robert continuait à observer de temps en temps. Les soupçons qu'il avait eus jadis et qui avaient si fatalement provoqué la chute de la marquise s'étaient évanouis à la vue de l'accueil égal et simplement amical que recevait désormais Julien. À deux ou trois reprises, il avait cru surprendre des préférences pour des seigneurs voisins, mais ce n'était que de fausses alertes, car Gabriel, se sentant épié, feignait parfois d'accorder plus d'attention à l'un ou à l'autre de ses visiteurs. Puis, il avait fini par croire en sûreté l'honneur de Morez et sa surveillance s'était relâchée. René venait encore plus souvent à Morez depuis que sa sœur s'y trouvait. Il l'avait à peine connue, car on les avait séparés tout enfant, et il trouvait en cette jeune fille, sa sœur, qu'il pouvait tutoyer et taquiner à son aise, une part de l'élément féminin qui lui était inconnu et qu'il trouvait pleine de grâce. Les femmes qu'il fréquentait à Paris étaient toutes plus ou moins de celles qu'un beau garçon de 20 ans peut aimer ou désirer. Ici, il trouvait la chaste tendresse d'une sœur, point de coquetterie, la franchise d'une âme libre de toute contrainte. Il trouvait les reproches affectueux, les gronderies caressantes qui y font plus sur un jeune homme que les austères leçons d'une morale empesée, et ce charme, cet attrait, le ramenait sans cesse au château. De son côté, Lucile était heureuse de l'y voir. Entre Julien de Présange et lui, elle ne faisait plus grande différence, mais René était bien plus près de son cœur, car elle savait que celui-ci lui resterait toujours, tandis que l'autre... Il fallait bien espérer qu'un jour Julien serait réuni à la femme qu'il aimait. Une femme mariée, se disait Lucile, et elle ajoutait que pour les réunir, il faudrait la mort du mari. Cette pensée entra si profondément dans son cerveau qu'elle en devint triste. Un jour, enfin, pendant qu'elle assistait à la messe auprès de sa mère, elle se hasarda à lui demander à voix basse « Ma mère, serait-ce un péché de demander à Dieu le bonheur de Monsieur de Présange ?» Gabriel, effrayé d'entendre encore ce nom dans la bouche de sa fille, la regarda un instant, puis lui dit avec un grand semblant d'indifférence « Pour Monsieur de Présange ou un autre, qu'importe, on peut toujours demander à Dieu le bonheur des gens que l'on estime. » Lucile, à son tour, regarda sa mère et resta indécise. « Mais ma mère, puisque pour le bonheur de celui-ci, il faut souhaiter la mort d'un autre homme. » Gabriel saisit la main de sa fille et la serra à la broyer. « Tais-toi, malheureuse, » murmura-t-elle. « Prie pour la vie de cet autre homme, prie pour lui, sans quoi le ciel. » Elle se tut, étouffée par ses propres remords et par le sentiment du danger. Lucile la regarda encore, puis soumise, sans essayer de comprendre, elle se mit à prier pour tous ceux qui souffrent. Il lui resta de cette courte scène un sentiment indéfinissable de terreur. Elle sentait qu'il y avait là un gouffre insondable, peut-être un crime, et elle s'interdit courageusement d'y penser, puisque sa mère ne voulait pas lui révéler ce secret. Mais en regardant Julien, si calme, si doux, dans les 1000 détails de la vie journalière, elle se dit que le crime ne devait pas être de son côté puisqu'il ne semblait point trahir de remords. De quel côté alors? Quelle était cette femme? Lucile chercha autour d'elle, ne trouva point, et se fit un devoir de chasser de telles pensées que sa mère désapprouverait à coup sûr. Sa mère était le point culminant de ses pensées, comme de celles de René. Quand ils étaient seuls ensemble, c'était pour célébrer les louanges de cette mère adorée, si parfaite, si grande, si loyale. Ils trouvaient le jour trop bref pour tout ce qu'ils avaient à se dire à son sujet. Un soir d'été, il y avait bientôt 3 ans que Gabriel et Julien s'aimaient, les deux enfants, leur mère les nommait encore ainsi en souriant, les deux enfants marchaient en causant confidentiellement sous les ombrages du quinconce. La marquise les suivait à quelque distance avec Julien et 4 ou 5 invités. Les groupes se formaient et se déformaient à chaque instant. Seuls le frère et la sœur d'une part, les deux amants de l'autre, ne se séparaient pas, réunis par une invincible sympathie. Quel joli couple! Fit observer un voisin âgé et désignant les jeunes gens à la marquise. Ils se ressemblent assez pour qu'on les nomme frères et sœurs, mais ils sont assez dissemblables pour être toujours heureux de se retrouver ensemble. Le jour et la nuit, la sœur est brune, Le frère a des cheveux blonds, dit un autre. L'amour aussi vit de contraste. Mais vous êtes blonde, marquise ? Le marquis est brun, dit Gabriel. Elle souffrait toujours quand on parlait du marquis devant Julien. Quand revient-il, ce cher marquis ? Demanda une voisine coquette. Je ne sais. Ah, madame, s'écria le vieux voisin, voilà trop longtemps que vous êtes une Ariane adorable. Que ne suis-je plus jeune de 20 ans ? Je vous aurais proposé d'être votre Bacchus. La marquise n'aime pas la mythologie, reprit la voisine d'un air pincé. Gabriel sourit vaguement et proposa d'aller voir les cygnes. Les cygnes accoururent à la voix de Lucille, qui aimait à les nourrir de sa main, et la société s'amusa de leur gloutonnerie. Vêtue à la mode du temps d'une robe claire qui traînait sur le gazon, Lucille se détachait sur la sombre verdure des arbres séculaires. La pièce d'eau, large et tranquille, était sillonnée par les oiseaux bleus qui accouraient à la nage de la rive opposée. Lucille avait envoyé chercher du pain au château, et Robert le lui avait apporté lui-même dans une corbeille en filigrane d'argent. Robert, sans s'attribuer d'office spécial, aimait à rendre de ses petits services, surtout quand il pouvait le rapprocher des maîtres et lui permettre de les observer de près sans choquer les bienséances. « Que votre fille est donc jolie, marquise ?» dit le vieux chevalier, en admirant le charmant tableau qu'il avait sous les yeux. « Quand marions-nous cette fleur de beauté ?»« Oh ! » dit Gabriel, « nous avons le temps, c'est à son père d'y penser. »« Il reviendra donc ?» dit méchamment la voisine. « Je l'espère, » reprit vertement Gabriel, qui reçut un regard approbateur de Robert. Elle rougit de honte et peut-être de colère, mais elle ne put rien dire car sa fille se retourna et parla pour elle. « Mon père nous aime et sera prochainement ici, n'est-ce pas, ma mère ? Ne vous l'a-t-il pas écrit tout dernièrement ?»« Oui, » répondit Gabriel. Mais elle n'ajouta pas qu'il lui écrivait la même chose tous les 6 mois. René s'approcha de sa mère et lui baisa la main avec tendresse. Quand mon père sera de retour, dit-il, il ne pourra croire ses yeux en voyant ma sœur si grande et ma mère si belle. Mais ce qui l'étonnera le plus sera de voir combien nous le connaissons et l'aimons sans l'avoir, pour ainsi dire, jamais vu, et tout cela grâce à notre mère, notre bonne mère. Gabriel présenta à René sa main, qu'il baisa encore une fois, et la société retourna vers le château en jasant à tort et à travers. Les enfants sont la couronne des mères, murmura Julien pendant qu'il marchait un peu en arrière, suivi de plus près qu'il ne pensait par Robert Invisible qui se glissait derrière les massifs. Oui, pour les mères vertueuses, mais pour les mères coupables, ils sont une couronne d'épines, dit Gabriel un peu trop haut. Elle se retourna vivement, nul ne les suivait. Mais derrière un buisson de lilas, Robert, glacé d'horreur, avait entendu.